Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va parler de fer à friser. Hein? Et oui! Comment ça, Sophie? Bah, je vais garder la surprise, je vous en dis pas plus, hein. Ça on verra. On va coiffer des oiseaux. Ouais, non, mais j'avais envie de changer de sujet un peu, parce que bon, l'ornithologie, ça va un peu, mais bon, on s'ennuie au bout d'un moment, non. Ah. Allez. Bon, ce sera la deuxième partie de l'émission, du coup, qu'on parlera peut-être de coiffure, qui sait. Oui. Moi, je vous parlerai du ménure d'Albert, voilà. On avait eu l'occasion de parler du ménure. Et là, on parlera de la femelle ménure. Mm-hmm. Voilà. Ça, ce sera donc dans la toute première partie de l'émission. J'étais un goujat, Sophie. Je ne t'ai même pas demandé comment tu allais. Bah, j'espère que tu vas bien. Très bien. Du coup, je fais ma mise en pli, tu vois. Oh là là là là, on va faire des dreadlocks aux oiseaux, ça va être incroyable. Écoute, ça va très très bien. C'est très occupé parce que j'ai beaucoup de choses à écrire et beaucoup de choses à préparer pour mes cours, pour mes diverses interventions dans le monde des oiseaux, puisque le monde des oiseaux ne s'arrête pas au courrier de la Sterne. Donc je suis très occupé en ce moment. Voilà, pas le temps pour la mise en pli des cheveux, mais la mise en pli des sujets, par contre, elle continue. Et elle continue bien. Eh ben, tant mieux. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le monde des oiseaux et qui ne nous écoutent toujours pas, n'hésitez pas à venir vous abonner. Hein. On en parle toutes les semaines, c'est important. On parle d'oiseaux, oui, on parle de mise en pli, dis donc. Mais, aussi, bref, non, je suis perturbé avec cette. Je suis perturbé avec cette histoire de coiffure. On verra tout à l'heure, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça ira. On verra effectivement tout à l'heure. On va commencer l'émission par l'habituel rétro piou-piou. Je vais commencer, Sophie, tiens, pour une fois. Allez. Et je vais commencer par une bonne nouvelle que tu as peut-être entendue, puisque ça se passe en République démocratique du Congo, Sophie. Puisque le pays a signé un décret national le 13 août dernier interdisant la capture et la vente du perroquet gris du Gabon. Voilà, oui. Un document de 4 pages qui a été donc signé le 13 août et qui non seulement parle justement de cette interdiction, mais aussi met en place un mécanisme national d'évaluation, de suivi, de contrôle des populations qui a été institué sous la coordination du secrétaire général à l'environnement et développement durable. Et quand on sait que le perroquet gris du Gabon ou perroquet gris d'Afrique, puisqu'il est nommé comme ça dans le décret national, a perdu une très grande partie de sa population et a généralement un taux de mortalité qui est compris entre 65 et 70% en captivité, eh bien, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'informations. Oui, et d'ailleurs, le perroquet gris du Gabon, c'est l'un des perroquets qui est les plus trafiqués au monde. Donc si vous envoyez à l'achat en captivité, vérifiez bien un truc. C'est la bague du perroquet. Si c'est une bague fermée, il est fort probable que l'animal soit effectivement élevé en captivité. Une bague fermée, c'est une bague qui n'a pas été placée après la capture de l'oiseau. Donc c'est une bague qui n'a pas un endroit où il y a une cassure, tout simplement. Et par contre, s'il y a une bague ouverte, il est fort probable que l'oiseau a été récupéré dans la nature, qu'on lui a mis une bague comme ça pour faire genre il est identifié, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Donc, vérifiez ça. Voilà. Alors, il y a quelques cas particuliers évidemment, qui visent notamment des activités de recherche scientifique. On a aussi des transferts de spécimens lors d'opérations de sauvetage ou de réhabilitation. Et il y a aussi un appendice qui m'a un peu intéressé, la détention, je cite le document, d'au plus de 2 perroquets gris d'Afrique à titre domestique par toute personne physique, à condition d'en justifier l'origine légale, la traçabilité et l'engagement à ne pas en faire commerce. Je suppose que c'est déjà des oiseaux qui sont, domestiqués en tant que tels, et ce ne sont pas des oiseaux qui ont été prélevés dans la nature par la suite et qui seront par la suite vendus à des particuliers. Alors, domestiqués, non, parce que les animaux domestiques, c'est le chat, le chien, le cheval, etc. Mais en l'occurrence, c'est des animaux qui ont été élevés en captivité, ce qui est totalement différent. C'est vrai que désolé. Non, mais tu as raison. Faut être précis sur les termes. Mais tu as bien raison. Alors. Tu as bien raison d'être précise. Et d'ailleurs, vous retrouverez le décret national. Il est en français, en plus, dans la description. Arrêté ministériel du 31 juillet 2025. Et on souhaite qu'il soit appliqué. Ce sera bien. Alors, de mon côté, des bonnes nouvelles aussi. Pour les vautours en Afrique, il y a un article très intéressant de BirdLife que je vous enjoins fortement à aller lire, qui nous parle de vautours en Afrique, et notamment de la manière dont les vautours en Afrique commencent à être protégés, et c'est une manière qui inclut les communautés rurales de différents pays d'Afrique, ou dans lesquels on va finalement désigner des champions de la biodiversité auxquels on va expliquer les problèmes, notamment avec les vautours, de la chasse aux vautours, de l'utilisation des vautours pour la médecine traditionnelle et de ce que ça peut engendrer derrière. Ce sont des communautés qui avaient déjà constaté l'évolution et la disparition des vautours dans leur environnement proche, parce que ces communautés utilisent les vautours donc pour la médecine traditionnelle, ne peuvent plus vraiment s'en procurer dernièrement, et petit à petit, en fait, on commençait à remplacer ce qu'ils utilisaient comme partie de vautour pour cette médecine traditionnelle par des morceaux de plantes ou d'autres qui, elles, étaient beaucoup plus facilement accessibles. Et donc, en les encourageant dans cette voie et en continuant à éduquer les populations, notamment à ne plus utiliser des espèces en voie de disparition, et ben, ça permet d'avoir des écosystèmes qui petit à petit se remettent et des vautours qui ne sont plus chassés par les populations locales. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh ben, c'est super. Voilà. Donc, on les encourage à continuer dans cette voie. Ah, totalement. On part en Indonésie, Sophie, avec une étude qui a été menée sur les marchés aux oiseaux. On en avait parlé dans un précédent épisode, et cette fois-ci, c'est une étude qui s'est intéressée aux différentes interactions entre l'offre et la demande. Donc, c'est une étude qui a réuni plus d'une dizaine de chercheurs, et l'objectif, c'était de savoir s'il y avait des groupes qui étaient plus ou moins, on va dire, intéressés par cette notion d'offre et de demande, et comment ces interactions se ponctuaient. Donc, trois groupes ont été identifiés dans cette étude, qui est très longue, je vais vraiment vous la résumer, et je vais vraiment donner une des conclusions. Le premier groupe, c'était des oiseaux constitués pour des concours de chant. Le deuxième groupe, c'était des oiseaux endémiques répertoriés comme vulnérables ou quasiment menacés. Et le troisième groupe, c'était des oiseaux ornementaux qui étaient présentés. Et l'étude a déterminé que seulement 7,7% des espèces fournies étaient sur le marché de manière opportuniste, ce qui signifie que 93,3% des autres oiseaux étaient, consécutifs à une demande ou à une offre. C'est une recherche assez intéressante, puisqu'elle permet justement d'examiner comment fonctionne le commerce des oiseaux chanteurs, et ça permettra court, moyen ou long terme d'établir diverses références pour permettre de sauvegarder ces espèces, et notamment des espèces qui sont menacées sur ces marchés. Exactement. Et bien moi, de mon côté, on part en Australie avec le queue de gaz du Sud. Alors, le queue de gaz du Sud, c'est un tout petit oiseau qui est en danger, et auquel on a apposé une étude dernièrement, une étude, comme c'est plutôt la mode en ce moment, sur l'impact des problèmes sonores sur cet oiseau. Et effectivement, cet oiseau, comme la plupart des oiseaux qui ont été testés précédemment sur beaucoup d'études différentes à travers le monde pour les problèmes de bruit, dû à l'homme, en l'occurrence des routes ou ce genre de choses, eh bien il se trouve que le bruit des voitures chez cet oiseau, ça fait comme pour tous les autres, ça fait que l'animal a du mal à chanter et ça décroît en quelque sorte sa capacité à protéger son territoire, parce que son chant, c'est ce qui lui permet de protéger son territoire, et donc son nid et tout le reste qu'il y a dedans. Et donc, comme il ne peut pas chanter aussi bien qu'il le ferait en l'absence de bruit de trafic, de voiture, et du coup, il a du mal à protéger son territoire face à des agressions extérieures, que ce soit des oiseaux de la même espèce ou des oiseaux d'espèces différentes. Ok. Est-ce que tu as terminé ici, Sophie, pour la rétro, ou as-tu une dernière petite news à rajouter? Est-ce que tu as eu le temps de voir Listers On en a parlé la semaine dernière, le fameux documentaire sur les malheurs des ornithologues, non, finalement. Non, j'ai pas eu le temps, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres trucs. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en voir un autre, qui s'appelle Return, qui est fait par la RSPB, qui dure à peu près une trentaine de minutes, et qui parle du retour du pillargue à queue blanche, voilà, en Écosse. Et c'était un documentaire très intéressant, parce qu'il parlait évidemment de la réintroduction de l'oiseau et des péripéties que ça avait été de réintroduire l'oiseau, et péripéties, on va dire, plus humaines qu'environnementales en tant que telles. Ouais. Et ça montre aussi la diversité des gens qui, aujourd'hui, parlent de ce genre de sujet et de réintroduction. Et j'ai trouvé que c'était un documentaire très intéressant qui mettait beaucoup plus l'accent non pas sur l'oiseau mais sur l'humain en tant que tel. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque peut-être un petit peu dans les documentaires qui sont comment dire, consacrés à la nature et à la conservation des espèces, que ce soit des oiseaux et autres. Donc je vous invite à aller le voir. Il n'est pas traduit en français pour l'instant. Alors c'est bizarre parce que le chapitrage est traduit en français, mais pas le documentaire en tant que tel. C'est dommage. Donc, je suppose qu'il va y avoir une traduction française. Mais voilà, après, il y a toujours les sous-titres anglais si vous souhaitez aller le voir. Ça s'appelle Return. Et c'était un chouette petit documentaire. Et à titre personnel, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai vu qui traite de la conservation au sens humain du terme. Voilà. Donc, petite recommandation. Si jamais vous êtes intéressé par voir des petites vidéos sur YouTube. Mais oui, ce sera avec plaisir, évidemment. Et c'est ainsi que l'on termine cette rétro, ma chère Sophie. D'ici quelques instants, on va parler d'imitation chez la femelle du Ménure d'Albert. Et oui, on parle de la femelle, Sophie, et non pas du mâle. C'est marrant, ça, parce que c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a souvent toisé dans le courrier de la Sterne, du fait que les femelles étaient aussi capables de vocalises aussi importantes, voire plus importantes. Je crois que c'était chez la Conure veuve qu'on avait eu l'occasion de découvrir cela avec toi en Espagne, si mes souvenirs sont bons. Donc allez voir l'épisode qui concerne cette... C'est la Périche, voilà. Je cherchais le nouveau nom de la Conure. Donc on avait vu ça avec toi. Et bien il y a une étude qui a été menée par une équipe de scientifiques australiens qui est sortie en fin août dernier et qui mène justement des investigations sur les femelles d'Albert. Alors ce qui est assez intéressant, on va parler justement des femelles et des champs. Il faut savoir que dans une précédente étude, il avait été démontré que les femelles et les champs sont étudiés à 68% par les femmes. Les hommes sont 24% moins enclins à étudier les champs des femelles et les femmes sont 24% plus enclines à les faire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable déséquilibre entre l'étude des champs mâles et l'étude des champs femelles, parce que voilà, les mâles, ils ont une belle voix, ils ont besoin d'impressionner. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Mmh. Et une étude a même démontré qu'environ 65% des passereaux auraient des femelles qui chantent. Voilà. Ce qui est quand même assez, assez fantastique. Alors, les chants, ils permettent beaucoup de choses. Ils permettent d'établir la communication entre les individus dans les couples, la défense du territoire et le nid, la compétition intersexe. Et là, les chercheurs ne sont pas d'accord, parce que je suis tombé sur deux études qui sont contradictoires. Attirer un partenaire. Donc, la review qui expliquait un petit peu pourquoi la femelle chantait disait que attirer un partenaire, non, pas vraiment. Et je suis tombé sur une étude de 1996 qui, elle, supportait cette théorie-là, selon laquelle les femelles pouvaient chanter pour attirer un partenaire. Donc c'est quand même des études qui sont assez anciennes. Hein, quand on vous parle du fait que les femelles sont capables de chanter ou de vocaliser, c'est quand même des choses que l'on a étudiées déjà depuis à peu près une trentaine d'années. Mais bon, tout ça pour dire, pour balayer un petit peu tout l'aspect, ici, on va s'intéresser au Ménure d'Albert. Donc, le Ménure d'Albert, vous connaissez son autre pendant qui s'appelle le Ménure superbe. Le Ménure superbe, vous savez, c'est l'oiseau qui imite l'appareil photo, le sabre laser, voilà, les bébés aussi. Oui. Il y a une vidéo, on le voit imiter le cri d'un bébé en pleurs. Donc, voilà, c'est un oiseau. Elle est incroyable, cette vidéo. Et donc, du coup, bah voilà, c'est un super sujet d'étude, mais assez peu de choses sont finalement connues sur la nidification de l'oiseau. On sait qu'il est très territorial, mais finalement, on a quand même assez peu d'informations là-dessus. Donc, on a enregistré des oiseaux, des ménures mâles et deux ménures femelles, dans deux endroits éloignés de 80 km, à Tambourine et Gumbura, entre 2018 et 2019. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a étudié deux ménures femelles seulement ? Eh bien, c'est tout simplement parce que bah, les femelles elles ressemblent beaucoup aux jeunes mâles et il est très très difficile de les différencier. Alors, comment on fait pour les différencier ? Eh bien, les chercheurs, ils ont une tactique, ils se basent sur leur comportement. Parce que les mâles, ils ont un défaut, les mâles ménures. Bon, tu vas me dire, les mâles de beaucoup d'espèces d'oiseaux ont ce défaut-là, surtout pour ceux qui sont les plus colorés, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la fabrication du nid. Ah tiens. Et donc du coup, bah, quand on voit justement un ménure d'Albert s'occuper du nid, eh bien on se dit tout de suite « Ah, c'est une femelle !» Et donc du coup, c'est comme ça que les deux oiseaux ont pu être repérés aussi parce que la queue est unie chez la femelle, un petit peu plus de motifs chez le mâle, et tout ça a été confirmé par un piège photographique. Donc on a établi un protocole pour étudier avec vraiment certitude que les chants étaient produits par les femelles, et ensuite on a comparé les sonogrammes des femelles avec ceux d'autres oiseaux qu'elles imitaient. Et résultat des courses, eh bien on a trouvé que 13 espèces avaient été imitées par une ou les deux femelles, ce qui inclut l'appel de l'autour blanc pour les deux. Le chant de parade du jardinier satiné, vous savez, c'est l'oiseau qui peint avec une couleur bleue son berceau, on en avait parlé dans une précédente émission. Ou encore le cassican flûteur et son cri d'alarme, c'est le fameux oiseau qui poursuit les cyclistes, voilà, lors de la période de reproduction en Australie. Au total, c'est 64 items vocaux qui ont été identifiés pour la femelle à tambourine, et c'est 176 items, visiblement, qui ont été identifiés pour la femelle de Gumbura, dont 56% de ces 76 items sont composés de psophodes à tête noire, qui sont des oiseaux que l'on trouve en Australie. Et la dernière chose à noter, c'est que les femelles ont développé leurs propres imitations, puisque les mâles identifiés dans la zone n'étaient pas toujours capables de reprendre ces imitations-là. Et même que les imitations sont différentes selon elles s'occupent du nid ou d'un petit, et que ces imitations varient d'un individu à l'autre. C'est incroyable ça, Sophie. Ça veut dire que possiblement on serait capable de reconnaître un individu rien qu'en entendant son chant ou en entendant son imitation. Et ça, Sophie, ça a un nom dans le monde de l'ornithologie, et on en avait parlé au tout début de l'émission, peut-être pas ensemble, mais en tout cas, j'avais eu l'occasion de l'évoquer, ça s'appelle l'Individual Acoustic Monitoring. Grosso modo, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de pouvoir reconnaître un oiseau particulier avec sa signature sonore. Bon, grosso modo, on peut dire, en voyant la signature sonore de l'oiseau, ah bah ça c'est Albert, ah bah ça c'est Raphaël, ah bah ça c'est, je sais pas, Maxime, c'est, et on est capable justement de reconnaître tout ça. Alors je suis allé quérir l'autrice de cette étude qui s'appelle Fiona Backhouse pour lui demander justement s'ils avaient travailler un petit peu plus sur cette histoire d'individual acoustic monitoring, et elle m'a dit que bah on manquait de beaucoup de données, mais que si on aligne les données les unes après les autres dans d'autres études, parce que je l'ai pas précisé, il y a d'autres études qui sont en cours qui n'ont pas été encore validées, donc on découvrira encore des choses sans aucun doute sur le ménure d'Albert. Il se pourrait effectivement que cet oiseau soit capable d'individual acoustic monitoring. Ça, c'est quand même fabuleux. Ça veut dire que peut-être on aura l'occasion de reconnaître les différents individus qu'on aura l'occasion de côtoyer. Donc, rien que pour vous montrer que non seulement les femelles sont capables de chant, qu'on savait d'ailleurs pour une grande partie des oiseaux qu'on étudiés et dont femelles on a étudié le chant, c'est la première fois qu'on étudie des imitations chez les femelles. C'est la toute première étude qui renseigne sur la notion d'imitation chez la femelle oiseau, en sachant qu'il y a à peu près 400 espèces d'oiseaux qui sont capables d'imitation dans le monde. Et dans cette notion d'imitation, on découvre en réalité que les femelles, eh bien, ont un répertoire vocal qui est différent en fonction, justement, de l'individu qu'elles sont. Ça, c'est fou, non ? Mais alors, du coup, ma question, alors je sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce que il y a une évolution dans le temps du répertoire de chaque femelle ou de chaque mâle hein, sur les chants qu'ils sont capables ou les imitations qu'ils sont capables de faire ? Alors, ça a été uniquement étudié sur 2 ans, donc je ne pense pas que je peux te donner une réponse précise, puis c'est pas spécifié dans l'étude en question, mais peut-être que ce sera quelque chose qui sera étudié. C'est grosso modo la conclusion de l'étude, c'est qu'il y a énormément de champs qui doivent être maintenant investigués de manière, on va dire, un petit peu plus important, en étudiant notamment d'autres individus. Il y a d'autres études qui sont en révision au même moment, comme je l'ai dit, et il est à noter que 8 des 11 espèces imitées dans cette étude ont été imitées par d'autres femelles, cette fois-ci de ménure superbe, dans les Blue Mountains, en Nouvelle-Galles du Sud, soit à plus de 1000 km de distance de là où l'étude avait été réalisée. Ah oui, quand c'est même. Incroyable, ça aussi. Ah ouais, oui. C'est fou. Et ça, comme je vous l'ai dit, bah, c'est effectivement une étude qui est en cours de révision, donc pour l'instant, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce travail-là. Bien sûr. Eh mais c'est super intéressant. Donc on a besoin de... Enfin, si je résume, on a besoin de plus de chercheurs qui s'intéressent aux chants des femelles, notamment chez les passereaux, et de plus d'études sur ces femelles passereaux pour arriver à comprendre quel est le chant et s'il y a des différences avec celui des mâles. Exactement, exactement. D'accord. Et ça, c'est un grand sujet hein, qui est maintenant sur la table. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois on dit ça dans chaque épisode du Courrier de la Sterne. De sujets comme ça. Oh, vous savez, c'est un nouveau domaine d'études qui s'ouvre à nous. Bah oui. Il y a tellement de choses à étudier. Venez en ornithologie, il y a plein de trucs à étudier. C'est quand même incroyable. Il y a des choses toutes les semaines. Bah oui. C'est fantastique. Non, mais le véritable problème, c'est qu'il y a eu un biais, et il y a d'ailleurs toujours ce biais en science. Hein, on parle de l'ornithologie, mais c'est un biais qui existe toujours entre les hommes et les femmes, et que généralement, lorsque les femmes étudient des sujets, elles s'intéressent à des sujets que les hommes n'ont pas étudiés. Et bizarrement, aux surprises, on trouve des différences que personne n'avait vu venir. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus effectivement d'études qui soient en cours sur ce genre de sujet amène à un nouveau complet pan de réflexion dans 10, dans 15, dans 20 ans, voire peut-être un peu moins, va ou vont réellement bouleverser la compréhension que l'on a des chants d'oiseaux et même plus si affinités, puisque là je parle d'imitation, donc voilà, peut-être que on parle donc d'imitation au nid, et dans l'étude il parle sans doute d'imitation pour soit éloigner un prédateur potentiel, soit éloigner un mâle potentiel, un mâle ménure d'Albert, mais on peut totalement imaginer que l'imitation pourrait être utilisée à d'autres fins lors de prochaines études, voilà. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Très intéressant, encore une fois. Très bon sujet. Super. Et merci à Fiona qui a répondu à mon message hier soir. Oh. Alors que c'est la beauté des scientifiques australiens. Quand tu leur envoies un message, généralement ils te répondent quelques heures après. C'est fantastique. Voilà. vous retrouverez évidemment l'étude dans la description et elle est en open access. Si vous voulez aller la lire. Sophie, il est l'heure d'ici quelques instants de parler de coiffure, de mise en pli, de fer à friser, je ne sais pas de quoi on va parler. Bref, deuxième partie juste après ça. Bon bah Sophie, c'est le moment fatidique. Pourquoi c'est on va parler le de... moment fatidique, effectivement. Pourquoi on va parler de... Bah écoute, je sais pas. Florian, as-tu sorti ton fer à friser ? Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à sortir les peignes et les brosses, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais vous apprendre sur la mise en pli d'une espèce particulière d'oiseau qui habite l'Australie et que vous connaissez certainement, qui s'appelle le cygne noir. Ah, le cygne noir est capable de se... maquillé, de se coiffer. Ah mais attends, t'as pas... Attends. Faut pas tout. Faut pas tout sortir faut là pas tout de spoiler. Suite. On y va doucement. On va y aller pas à pas. Je vais tout vous expliquer. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Alors, le signe noir, pour ceux qui le connaissent pas, bah, c'est un signe, il est noir. Voilà, je pense que ça le décrit bien. Fin de l'épisode, merci d'être venu. Merci. Mais le signe noir, il a quelques particularités au niveau du plumage, et notamment sur l'arrière des ailes, on a des plumes qu'on va appeler des plumes recourbées, pour faciliter le langage, je ne saurais pas trop comment les appeler autrement, mais en gros, c'est des plumes qui vont faire comme une petite courbe. Si vous avez vu la queue des canards colverts, vous savez que souvent, il y a cette espèce de petite boucle au bout. Et bien là, les plumes sur les ailes, alors pas toutes les plumes des ailes, hein, juste les plumes des ailes au niveau arrière de l'aile, vont pouvoir parfois avoir cette petite boucle aussi au bout, un petit peu comme si vous l'aviez passé au fer à friser, donc. Ça fait exactement ça, et ça va faire... ça va faire un petit peu des petites fanfreluches à l'arrière sur le dos du cygne, en quelque sorte. Donc c'est pas énorme, c'est pas gigantesque comme mise en pli, c'est pas si différent que ça, on va dire, d'une plume normale, mais ça donne quand même ces petites vaguelettes sur l'arrière, cette petite boucle qui est assez jolie. Et, fait très intéressant, tous les individus n'ont pas forcément les mêmes. Et c'est là que ça va nous intéresser, parce qu'il semblerait qu'il y ait une discrimination chez les cygnes noirs en fonction du nombre de bouclettes que vous avez sur le dos. Alors, okay. Merci. Alors, nous avons une étude qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps dans le journal Ibis, que vous connaissez certainement, qui, fort heureusement, est en open access. Donc si ça vous intéresse, allez lire l'étude directement à la source, c'est en anglais évidemment, mais bon, vous pouvez toujours traduire avec Google Translate. Vous avez donc cette étude qui a été faite donc par des scientifiques australiens qui se sont intéressés au cygne noir, à ses bouclettes sur son dos et à l'incidence du nombre de bouclettes sur les interactions conspécifiques de cet animal, donc avec ses congénères. Est-ce que plus vous aviez de bouclettes, plus vous aviez de succès, en gros? Est-ce que c'est ça la rançon du succès chez le cygne? Est-ce qu'il suffit d'avoir des bouclettes pour attirer les femelles ou peut-être d'autres partenaires? Je ne sais pas, si ça se trouve ça marche entre femelle-femelle et mâle-mâle, hein. On n'en sait rien. On n'est pas là pour juger de toute façon. Donc, ils ont pour ça pris donc des mâles et des femelles cygnes noirs, ils ont tout mis ensemble et ils ont regardé le résultat. Enfin, tout mis ensemble, ça peut être plus compliqué que ça. En gros, ils se sont dit, on va mettre un cygne dans un enclos, et puis de chaque côté de cet enclos, on va mettre deux partenaires possibles avec un nombre de bouclettes différentes sur les ailes, et puis on va voir lequel il choisit, en gros. Alors, ça sera un poil plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, il y a un peu plus de détails dans le mode opératoire, sinon c'est compliqué d'arriver à des conclusions correctes. Mais en gros, c'est à peu près ça qui s'est passé. Et on a regardé non pas les relations sexuelles de cet animal, c'est-à-dire de regarder la relation entre mâle et femelle uniquement, on a regardé la relation entre mâle-mâle, femelle-femelle, et mâle et femelle, évidemment, pour voir s'il y avait des différences. Et pour information, donc, le nombre de bouclettes que vous pouvez avoir sur une aile lorsque vous êtes un cygne noir, ça va varier entre 7 et 22 bouclettes sur une aile. Donc ça peut faire maximum 42 bouclettes sur un cygne au complet. Ça fait pas beaucoup. Ok. Mais c'est déjà pas si mal. Donc voilà. Et très intéressant, comme on a parlé juste précédemment des différences mâles-femelles, là tu l'avais dit au niveau du chant, mais avec des femelles qui sont aussi capables d'avoir des choses comme de l'imitation au niveau du chant, là... Contrairement à beaucoup d'espèces d'oiseaux où souvent c'est le mâle qui va avoir plus d'ornementation que la femelle, chez le cygne noir, il n'y a pas énormément de différence entre mâle et femelle. Au contraire, ils sont quasiment les mêmes, en tout cas à l'œil nu, nous en tant qu'humains, on n'arrivera pas à les différencier. Et en l'occurrence, au niveau des bouclettes, vous pouvez avoir à la fois des bouclettes chez les mâles et chez les femelles. Et la quantité de bouclettes ne va pas être très différente en fonction du sexe. En tout cas, c'est pas significativement différent. D'accord. Donc, on part de ce principe-là, on met un signe dans notre enclos du milieu, on met deux signes sur les côtés pour voir lequel a la faveur du signe du milieu, et on regarde ce qui se passe. Alors, sans hésiter, si on a un mâle et deux femelles sur les côtés, le signe mâle, donc au centre, va généralement aller voir la femelle qui a le plus de bouclettes. Visiblement, ça semble être important pour eux. Alors, pour le moment, on ne sait pas exactement pourquoi, mais clairement, le nombre de bouclettes est décisif dans le choix du partenaire sexuel. Et ça marche aussi dans l'autre sens, parce que pour la femelle, plus il y a de bouclettes, mieux c'est, hein, chez le mâle. Donc ça, c'est pareil, on va choisir les mâles qui sont bouclés, donc n'hésitez pas à sortir le fer à friser pour ceux qui ne le sont pas, ça a l'air de très bien fonctionner. Mais, en plus de ça, un point très très intéressant de l'étude, c'est que ça marche non seulement entre mâles et femelles, mais ça marche aussi entre deux mâles. C'est-à-dire que lorsque vous placez un mâle au centre de l'enclos et deux mâles sur les côtés, ce sont toujours les deux mâles qui vont avoir le plus de bouclettes qui vont finalement se regrouper, et le troisième mâle qui lui a moins de bouclettes que les autres va se retrouver tout seul dans un coin de l'enclos. Et puis voilà. Donc plus vous avez de bouclettes, plus votre statut social est élevé. Parce qu'il faut savoir que chez les cygnes noirs, il y a beaucoup, beaucoup de dominance. C'est-à-dire que le mâle va être extrêmement dominant vis-à-vis des femelles, mais aussi des autres mâles. Et plus il y a de bouclettes, il semblerait, plus le mâle est dominant. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les individus qui en ont moins vont de toute façon être des individus laissés pour compte sur le côté, qui vont pas arriver à se reproduire, et surtout être chassés du coin parce qu'ils sont clairement pas suffisamment bien, quoi. Ils ont pas fait leur mise en pli le matin, sérieusement. C'est pas bon, faut y aller. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe, et c'est très intéressant parce que c'est un des cas d'oiseaux chez lesquels on va avoir finalement des ornementations, donc au niveau des plumes, qui vont être importantes pour des histoires à la fois de reproduction, mais aussi des histoires de dominance. Donc en fait, c'est un truc qui va faire double emploi, et c'est pas forcément tous les caractères sexuels comme ça qui vont avoir des histoires de dominance avec. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, pour celui-là, ça a l'air de fonctionner, c'est-à-dire que c'est non seulement un caractère qui va être sélectionné pour la repro, mais aussi pour la dominance. Alors, on sait pas trop pourquoi ça a évolué comme ça. Il est possible que, et après ça c'est lié notamment à la coloration du plumage, mais on sait par exemple au niveau de la couleur du plumage, plus un oiseau a des plumes colorées vivement en quelque sorte, plus il va être considéré comme étant un bon partenaire sexuel parce qu'il y a une relation avec le système immunitaire, et normalement la coloration des plumes est liée à la santé de votre système immunitaire. Donc si vous êtes plus ou moins en bonne santé, vous avez des plumes qui sont plutôt bien colorées, et si vous êtes vraiment pas en bonne santé, vos plumes généralement sont assez ternes. Et donc est-ce que ce caractère des plumes recourbées serait lié à ça aussi? Est-ce que ce serait pour ça qu'il y a une sélection qui s'opère sur ce caractère? C'est possible, mais finalement on n'en sait rien. Donc ils savent pas trop pourquoi cette sélection s'opère, mais il se trouve que effectivement c'est très très très net, et il y a vraiment, comment dire, c'est pas une étude qui va être, on va avoir un petit peu plus de possibilité d'être choisi comme partenaire sexuel si on a un poil plus de plumes recourbées que les autres. Non, c'est vraiment très tranché. Si vous avez plein de plumes recourbées, vous êtes clairement le meilleur partenaire sexuel et vous allez être choisi comme étant le meilleur partenaire, toutes catégories confondues. Donc il n'y a vraiment pas de milieu, en fait. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est très tranché. Et c'est là que c'est très très marrant, parce qu'avant, finalement, on pensait pas que c'était aussi fort, cette différenciation. Donc voilà, c'est une petite étude que moi j'ai trouvée très sympathique, donc... Je ne pensais pas que clairement la forme des plumes pouvait avoir une incidence aussi importante finalement sur la vie de l'oiseau, parce que là on parle carrément de sa, d'une stratégie de reproduction, de sa capacité à se reproduire, hein. C'est quand même vachement important. Je pensais pas que ça avait une importance aussi grande dans la vie d'un oiseau, mais il semblerait que si, c'est super important. Donc on va, moi je propose, alors après vous faites ce que vous voulez, mais je propose pour ceux qui habitent en Australie et qui voient des cygnes noirs, proposez-leur votre fer à friser, hein, si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de plumes recourbées, parce que ça va vraiment les aider. Hein. Vous pouvez faire des petites mises en pli comme ça, il va y avoir, à mon avis, du potentiel, et je pense que vous aurez des clients, sérieusement. Mais je suis quelque peu déçu, Sophie, parce que je m'attendais à ce que tu me dises, les scientifiques, ils ont pris des cygnes noirs, ils ont rajouté des boucles, et ils ont vu ce qui s'est passé. Et non. Non, ils ont pas fait ça. Ah, quel dommage! Ça se trouve, ça aurait complètement changé le... Ça aurait bouleversé le résultat, on ne sait pas. Alors, ça aurait pu. Et je crois que dans ce qu'ils ont décidé de faire pour la suite, si je me souviens bien, c'est en fait de prendre des oiseaux empaillés, et de leur rajouter effectivement des plumes recourbées. D'accord. Et okay. Oui, effectivement, si tu fais ça et qu'il y a une réponse positive, à condition que l'oiseau empaillé soit effectivement de bonne facture, sinon tu vas avoir des problèmes de reconnaissance, et s'il y a une réponse derrière, tu pourras te dire que oui, il y a possibilité d'avoir, d'avoir encore... de capitaliser là-dessus, et mettons qu'il y a, à la place de 22 plumes par aile, qui est le maximum que tu puisses avoir, tu rajoutes 40 plumes recourbées par aile, et tu vois le résultat. Peut-être que... peut-être qu'il y aura un intérêt renouvelé. Tous les mâles vont se précipiter sur le... sur le pauvre mannequin. Voilà. C'est... Je sais pas, on verra, il y a peut-être moyen. Ah ouais, non mais c'est hyper, la suite va être hyper intéressante à analyser. Moi j'avais quand même une question du coup, combien de plumes, donc on peut avoir jusqu'à 22 plumes, c'est ça par aile, c'est ce que tu disais ouais, il y a quelques instants, c'est quoi le nombre minimal, est-ce qu'il y a un nombre qui, 7, c'est ça 7 plumes recourbées par aile. Enfin, c'est ce qu'ils ont trouvé dans l'étude. En tous les cas, il y a peut-être des cas où il y en a moins. Hein, on ne sait pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que la moyenne, c'est quoi ? C'est aux alentours de... Oui, c'est aux alentours de 16, plus ou moins. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ces plumes arrivent au fur et à mesure du temps, avec l'âge, avec l'expérience ? Alors ça, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas étudié ça encore. C'est quelque chose en plus. Ils ont juste étudié le résultat après avoir ces plumes en question sur le corps. Qu'est-ce que ça donne ? Mais ils n'ont pas étudié la capacité à les produire. Donc je ne sais pas. Et si est-ce que les individus qui avaient le moins de plumes, se réunissaient ensemble ? Ou est-ce que les individus qui avaient le moins de plumes essayaient quand même d'aller chercher les individus qui avaient plus de plumes ? Alors, ils essayaient quand même d'aller chercher les autres, parce que c'est des animaux qui sont quand même assez grégaires, mine de rien. Donc, ils essayaient quand même d'aller chercher les autres, mais il y avait une nette préférence des individus avec plus de plumes pour les autres individus avec plus de plumes, et puis rester dans leur petit groupe. Donc, il est possible qu'il y ait une évolution très forte vers des individus avec encore plus de plumes recourbées, on ne sait pas, dans le futur. Plus de plumes tu as, plus tu as un statut social élevé, plus tu es âgé ou expérimenté. Mm-hmm, et peut-être plus tu as une place centrale dans le groupe. C'est fort possible. C'est, Par contre, c'est marrant parce que les femelles elles-mêmes, entre femelles, ça n'avait aucune incidence sur leur capacité de copinage, en quelque sorte. Donc une femelle peut tout à fait être copine avec une femelle avec moins de plumes, ça n'a aucun problème, elles n'ont pas vraiment de choix spécifique, c'est uniquement les mâles, à leurs yeux, qui sont intéressants avec des plumes recourbées, les femelles elles-mêmes, entre elles, s'en fichent. Qu'est-ce que je suis surpris de ce résultat. Pas du tout. Absolument pas du tout. Les femelles sont plus tolérantes que les mâles, non, c'est vrai. Alors, pas pour les mâles, hein. Elles vont choisir ceux avec le plus de plumes recourbées. Bon. Hein. Les autres, ils peuvent aller se faire voir. Hein. les femelles sont tolérantes entre elles, c'est ça le... Entre elles, oui. Entre elles, oui. Mais cette histoire de discrimination me rappelle... un truc que j'avais entendu, que j'ai jamais eu l'occasion de vérifier en étude, mais apparemment, chez les pies bavardes, la longueur de la queue serait très importante, et les individus qui ont la queue la plus courte seraient... éjecter des groupes. Voilà. Donc, sympa. C'est à ma connaissance le seul cas de discrimination au sens qu'on l'entend bien sûr, avec du coup celui du cygne noir. Mais je peux pas je l'ai jamais vérifié. Donc je sais pas si toi t'as eu vent de cette réflexion ou autre. Mmh. Okay. Non, okay. J'ai pas entendu ça. Non. Faudrait regarder la littérature, je sais pas si c'est effectivement vérifié. Ouais, faudrait que je me re-renseigne là-dessus. Mm. Ah, et ben, voilà, la coiffure a été faite, ça fera 15 euros du coup. C'est gentil ça, ça dépend du nombre de plumes. C'est vrai. 3750 euros, bref. Ceci termine ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Si vous avez des questions, eh ben la section sur YouTube, elle est faite pour ça. Il y a des fois où on prend un petit peu de temps hein, pour justement répondre aux questions. Donc veuillez ne pas nous en tenir rigueur, bien sûr. Puis voilà, si jamais vous avez, comme je l'ai dit, des questions, eh bien n'hésitez pas à les écrire, ou même des commentaires, voilà, pour le référencement. Apparemment, ça marche comme ça sur YouTube. Il faut se faire référencer avec des commentaires, donc pourquoi pas. Mais voilà, si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis, et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle mise en pli. Salut à tous, salut à toutes. À plus.